cours numéro 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. فنواصل القراءة في هذه الرسالة النافعة الأصول من علم الأصول للإمام العثيمين عليه رحمة الله. Donc on continue l'étude de cette risale dans les fondements al-usul, usul al-fiqh, les fondements du fiqh. Wa fi ad-dars as-sabiq, la semaine dernière, akhadna at-ta'rif usul al-fiqh. Donc c'est un outil ilm yubhad an adillat al-fiqh al-ijmaliyya. Donc tu rentreras pas dans les détails. Lakin huna qala ilm يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها. كيفية الاستفادة منها et comment tu vas faire pour sortir ou retirer un حكم d'un délit. Que ce soit une salat, un siyam, ça c'est du fiqh. لكن نحن c'est من باب الإجمال. فلهذا قال معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ. On ne va pas étudier le comment de la ibadah. Là, on va étudier le délit. Min haith Allah, est-ce que c'est un hadith général, spécifique, est-ce que c'est un ordre, est-ce que c'est pas un ordre, est-ce que c'est min al-mutlaq, min al-muqayyad, ila akhri, thumma, tu vas pouvoir tirer un hukm qui est adaptable, valable pour toutes les ibadat. Que ce soit une salat, un siyam, ça change rien dans usul al-fiqh. Falihada qala rahimahullah, min adillataha bidirasat ahkam al-alfad wa dalalatiha min umum, wa khusus, wa itlaq, wa muqayyad, wa nasikh, wa mansukh. C'est ça usul al-fiqh. Donc c'est un outil qui va t'aider à comprendre ahkam al-fiqh, pas à comprendre al-fiqh bit-tafsil. Au fur et à mesure du livre, vous allez voir la différence. Au fur et à mesure, une différence azime entre l'usul ou al-fiqh. Et à la fin du livre, vu que vous aurez étudié la matière, vous verrez que c'est très très simple. Incha'Allah ta'ala. Hada al-ilm yahtaj ila tarkiz. Vous avez remarqué, c'est très précis. C'est pour ça que apprendre al-ta'arif, c'est muhim. Vous allez voir là, Cheikh Ibn Uthaymeen, il a cité des tarifs. Vous allez voir comme c'est précis. Tel mot, ça implique telle chose, ça fait sortir telle chose. Hada al-ilm yahtaj ila tarkiz. Hada al-ilm, il n'y a pas de place pour le à peu près. Hada al-ilm, il n'y a pas de place pour adam al-muraja'a. Si tu ne révises pas, khasatan, c'est ton premier livre, au début, ça t'atab. Les madames, vous allez voir que si tu emploies le mauvais mot, rubama yuntaqad alayk, on te dira là. Ce mot, c'est pas ce que le shir il employait. Le shir il employait un mot précis pour montrer une chose précise. Rakizu, khas satan wa lillahi alhamd, c'est un dars par semaine. Donc tu as le temps de réviser. Et en plus, on essaye de ne pas prendre beaucoup. Il y en a, ça risque d'être assez lourd pour la révision. Il a akhri, shtahidu. C'est une ni'ma azima. C'est une ni'ma azima le fait de pouvoir faire ce genre de livre en français, en arabe, pour te faciliter. فمن شكر هذه النعمة الاجتهاد ففات des efforts راجعوا أكثر. Et ce que vous n'avez pas compris, alhamdulillah, l'amr simple, c'est très simple, ça viendra avec le temps. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الأحكام. Le premier chapitre après l'introduction et la signification de cette matière usul al-fiqh, العلماء يذكرون باب الأحكام. المراد هنا بالأحكام bien sûr c'est الأحكام الشرعية. قال شيخ العثيمين رحمه الله الأحكام جمع حكم وهو لغة القضاء. لغة القضاء. C'est pour ça qu'on appelle القاضي. C'est pour ça qu'on l'appelle قاضيا. القاضي c'est le juge. لماذا؟ لأن ce juge il va donner des أحكام. Il va donner des sentences, des jugements. Telle chose c'est pas permise, donc tu mérites telle chose, prison ou autre. Telle chose c'est permis, donc tu es innocent. Donc لا يحكم عليه بشيء. Ça, c'est la relation avec la définition linguistique. Tambihun, dans ce livre, Cheikh Ibn Uthaymeen, il cite souvent al-ta'rif al-lughawi et après al-ta'rif al-istilah. Et nous, on ne détaillera pas al-ta'rif al-lughawi. Ahyanan, on le lira sans expliquer, pour ne pas compliquer les choses. Et ce qui nous intéresse, c'est la définition fil-istilah. Hada awwalan. Thaniyan, on a dit al-ahkam al-murad huna, c'est al-ahkam al-shar'iyya. On ne parlera pas al-ahkam al-dunyawiyya. Maintenant, dans le dunya, il y a des ahkam. dans la route telle chose, c'est permis, telle chose, c'est interdit, c'est des ahkam. Le code de la route, maintenant, c'est des ahkam. On ne parlera pas de l'ahkam al-dunyawiyya. Dans ce livre, tu parleras de l'ahkam al-shar'iyya. Hey, telle chose c'est halal, telle chose c'est haram. Telle chose c'est permis, telle chose c'est pas permis. Telle chose c'est wajib, telle chose c'est pas wajib. Telle chose c'est une sunnah, telle chose c'est pas une sunnah. Donc l'ahkam, là, c'est l'ahkam al-shar'iyya. Et i'lam anna hadha al-bab, il est muhim jiddan li umur, pour plusieurs raisons. Pourquoi ce bab il est muhim fi usul al-fiqh, et ça va t'aider l'un à comprendre c'est quoi l'usul, akthar. Pourquoi l'ulama il cite l'ahkam? On répète, on ne va pas parler, maintenant, détailler est-ce que salat c'est obligatoire. Pourquoi ba'd al-ulama akhtalafu, est-ce que siyam, celui qui le délaisse, c'est un muslim, amla. On ne va pas parler de tout cela. Là, on parle des ahkam en général. Thumma salat, siyam, al-hajj. Est-ce que salat al-jama'a est obligatoire, amla? On ne va pas rentrer dans ce khilaf, nahnu. Là. Donc, l'ahkam al-shar'iyya, huna, dans ce bab, elle est muhimma. Jiddan, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Awwalan, هذه الأحكام bien sûr tu les trouves souvent dans le Coran ou dans la Sunna. Telle chose c'est obligatoire, telle chose c'est pas obligatoire, telle chose c'est une Sunna, c'est mustahab, telle chose c'est pas une Sunna, c'est makruh, telle chose c'est mubah. Tu trouves souvent dans les textes dans le Coran ou dans la Sunna هذه الأحكام. Donc si tu as cet outil et vous allez voir les fawaïd qui va citer dans l'ahkam, falhamdulillah, chaque fois que tu vas lire un livre de fiqh et un savant il va dire telle chose c'est obligatoire, un autre savant il va dire là c'est pas obligatoire, un autre savant il va dire c'est makruh, un autre savant il va dire c'est mandoub, c'est mustahab, un tas, avec cet outil tu vas voir que tu vas retirer beaucoup de fawaid. هذا اولا. كذلك تنزيل هذه الاحكام منازلها او في منزلتها, ça c'est muhim, ay que هذه الاحكام tu les places au bon moment et de la bonne manière. لماذا؟ لأن بعض الناس بسبب جهلهم ils n'ont pas étudié هذا العلم et ils ont un ضعف في فهم الأدلة, ils ne reviennent pas aux savants. Robama ils disent une chose elle est obligatoire alors qu'elle n'est pas obligatoire. Et si tu dis une chose elle est obligatoire, ça va impliquer des choses. Un celui qui la délaisse il tombe dans le haram, il a des péchés, on doit avoir un comportement avec lui, un nasiha il akhri. Donc avec هذا الباب inshallah ta'ala tu vas placer les choses à leur place. فمثلا celui qui délaisse un wajib c'est pas comme celui qui délaisse un mustahab. Celui qui délaisse un wajib la chaque que notre comportement avec lui dans un nasiha il akhri ça va pas être comme celui qui délaisse un mustahab. Celui qui délaisse un mustahab la yunkar alay. Ça veut pas dire qu'on le conseille pas, là on peut se conseiller entre nous min bab ta'awun ala al-khayr anna. On ne doit pas délaisser al-mustahabbat, faire des efforts. Lakin, est-ce que ça va être le même comportement avec celui qui délaisse un wajib? Là, il y en a celui qui délaisse un wajib, il a fait un haram. Celui qui délaisse un mustahab, c'est recommandé, comme ça y a été, il n'a pas fait de haram. Donc, هذا الباب et هذا العلم في الحقيقة, il va t'aider à suivre le juste milieu. لماذا بعض الناس ils exagèrent là? Vous avez remarqué là? Il parle avec un ami qui a délaissé une sunna, avec quelque chose de mustahab, comme s'il avait délaissé un rukn min arkan al-islam, ou comme s'il avait délaissé une chose obligatoire. Et هذا c'est min qillat al-fiqh. Celui qui a délaissé un mustahab, même s'il le fait pas et tu le conseilles, il le fait pas, falashi alayhi, il a pas fait quelque chose de haram. كذلك celui qui a fait un makruh, est-ce qu'on va se comporter avec lui comme quelqu'un qui a fait un haram, une kabira min al-kaba'ir? Fala abadan. Il a fait quelque chose de makruh et on verra la définition. Il n'a pas fait de haram, il n'a pas de péché. S'entraider fi hada wa illa alhamdulillah. Tant qu'il ne fait pas de péché, il est à la khayr. Donc c'est un bab muhim. Il y a des autres choses, lakin bi'ikhtisar. Donc, ces ahkam, elles sont souvent citées fi nusus. Al-wajib, ou al-muharram, ou al-mustahab, ou al-makruh, ou al-mubah. Ça va t'aider à comprendre. Et كذلك, tu sauras comment te comporter avec les gens par rapport à ces ahkam et tu mettras ces ahkam à leur place. هذه الاحكام donc خمسه. قال الشيخ العثيمين رحمه الله الاحكام جمع حكم وهو لغه القضاء. هذا c'est من التعريف اللغوي. قال واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تخيير أو وضع. هذه التعاريف في الاصطلاح سي لا باز دو ليفر فركز عليها سي tu as compris le ta'rif celui qui peut les apprendre alhamdulillah celui qui ne les apprend pas اهم شيء qu'on les comprenne حتى quand tu reviens au livre tu comprends et Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahoullah ta'ala il a détaillé هذه التعريف donc le mieux c'est de les surligner en couleur حتى ils ressortent du livre مثل هنا et تركزون على هذا التعريف c'est ça العلم العلم c'est les تعريف c'est les أصول c'est les ضوابط لأن si tu as compris هذا التعريف tu comprendras ce qui va citer Cheikh Ibn Uthaymeen ou les fawaïd qu'on va citer ensemble c'est مجرد أمثلة c'est des exemples pour te rapprocher pour te faciliter وإلا فالعلم c'est التعريف فركزوا على التعريف et on a choisi cette رسالة لماذا لأن Cheikh Ibn Uthaymeen رحمه الله pour chaque مسألة il cite un تعريف جميل Et très simple, et simplifié, et résumé. Et après, tout son dars, ou tout le livre plutôt, tout le chapitre, il est fondé sur un tarif. Vous allez voir, maintenant, il va détailler un tarif, et après, Obama un mithal, et il passe à une autre mas'ala. Le tarif, c'est muhim. Un autre tambih qu'on peut faire, huna, An-Nashir ibn Uthaymeen, il cite deux sortes de tarif. Dans tout le livre, en général. Un tarif lughawi. Par rapport à la langue arabe, ay al-ahkam, ça vient du mot, c'est le pluriel de hukm. Et ce mot en langue arabe, hukm, ça veut dire al-qadha. Al-qadha, c'est le fait de juger. C'est pour ça qu'on appelle al-qadhi qadhiyan. Limadha li annahu yahkum. Yahkum bayna an-nas. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Donc tu vois la liaison entre al-qadha, ay le fait de juger, et al-hukm. Les jugements. La chèque qui a une relation claire en langue arabe. Et nous, on ne va pas s'attarder sur hada. Ce qui nous intéresse, c'est ta'rif ou al-istilah. Ou al-istilahi. Ça veut dire quoi al-istilah? Vous avez remarqué que Cheikh Ibn Uthaymeen, il n'a pas cité al-ta'rif al-shar'i. C'est autre chose. Tu as al-ta'rif al-lughawi, tu as al-ta'rif al-shar'i, tu as al-ta'rif al-istilahi. Al-ta'rif ou al-istilahi, on peut citer un تعريف simple هو اتفاق قوم على إخراج الشيء عن معناه اللغوي إلى معنى آخر إلى معنى آخر لمناسبة بينهما إن شاء الله écoutez et à la fin du dors on vous citera le تعريف تعريف qu'on rajoute à la fin du dors on vous les donnera أهم شيء écoutez اتفاق قوم ça veut dire quoi اتفاق قوم Ça veut dire que des savants d'une matière précise, ils se rassemblent pour définir un mot. Huna, tous les ta'arifs de l'istilah, ça sera qui? Ha'oula al-qawm, ça sera al-usuliyoun, ulama al-usul. Donc tu peux avoir un ta'arif fil-usul, et fil-haqiqa, inda al-muhadithin, c'est pas la même chose. Mathalan, al-mashhour. Al-Majhour en langue arabe, ça vient de Shohra, quelque chose de connu, il a agré. Ind al-Muhaddithin, al-Majhour, c'est autre chose, c'est lié par rapport à l'Isnat. Un certain nombre de rapporteurs, s'ils rapportent le hadith, c'est un hadith Majhour. Ça, c'est un ta'rif khas pour ulama al-Hadith. C'est pour ça que, si on dit, mathalan, هذا الحديث, il est Majhour بين الناس. Qu'est-ce que tu vas comprendre, Anta? Tu vas comprendre que ce hadith, il est connu chez les gens. Al-Muhaddith, si dit هذا الحديث, il est Majhour, ça n'a rien à voir. Peut-être que la masse des gens, ils ne le connaissent pas. Lekin, pour lui, Al-Majhour, c'est quand, dans Tabaqa min Tabaqat al-Isnad, certains rapporteurs, un nombre de rapporteurs précis, ils l'ont rapporté. Ils l'appellent Al-Majhour. Kadhalik al-Aziz. Kadhalik al-Fard. Wahakada. Anwa' que vous avez vu ou que vous verrez, fil mustalah. Hada, c'est un exemple. Fi usul al-fiqh, c'est la même chose. Fi usul al-fiqh, c'est la même chose. Donc, huna, les définitions qu'on va voir ensemble, c'est « عند علماء الأصول ». « عند الأصوليين » un « حكم » c'est ce qu'on va lire ensemble. Donc, مثلاً في التوحيد, tu as des ta'arifs, في الفقه, tu as des ta'arifs, في الحديث, tu as des ta'arifs, في اللغة, tu as des ta'arifs. Donc, il faut bien comprendre, elle n'a pas rapport à la matière, le sens, il peut changer. On a donné un exemple avec le مشهور عند الفقهاء مثلاً quand ils disent le مشهور هذه المسألة مشهورة فpour eux elle est connue عند المحدثين أو علماء المصطلح c'est autre chose هذا انتبهوا له donc le dors نحن on va ركز sur هذا التعريف الاصطلاحي donc pour résumer pour faciliter واصطلاحا أي dans la matière de l'usul الأحكام في أصول الفقه سي telle chose, telle chose et telle chose. قال رحمه الله ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة. Donc c'est bien un حكم شرعي. Ça fait sortir الأحكام qui sont pas شرعية. Et تستفيد من هذا أن هذه الأحكام هذه الأحكام نعم elles sont fondées sur le kitab wa sunnah. Donc pour dire quelque chose est wajib, on est obligé d'avoir un délil. Que les gens ils le fassent ou ils le fassent pas, ça change rien. Et par exemple, vu que ils ignorent encore ces principes de base, ou ayadan billah ils suivent leur passion, Robama, si tu lui dis pourquoi tu fais pas salat al-jama'a alors qu'elle est obligatoire au masjid, peut-être qu'il va te dire mais mon père il m'a dit ou dans mon pays ils font. Ou Shir Foulan, il a dit que c'est pas obligatoire, même si tu lui montres un délil. Alors que hadhihi al-ahkam al-shar'iyya pour comprendre dans le fiqh, est-ce que c'est obligatoire ou là, ça revient au Coran et à la Sunna. Pourquoi? Parce que c'est des ahkam shar'iyya. فلهذا قال شيخ العثيمين خطاب الشرع. خطاب الشرع est un délil في الشريعة, إما في القرآن ou في السنة. De ce délil, tu vas retirer est-ce que c'est obligatoire ou là, est-ce que c'est haram ou là, est-ce que c'est recommandé ou là, وهكذا. قال والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما يتعلق بأعمالهم سواء كان قولا أم فعلا إيجادا أم تركا. Ça c'est important pour comprendre أن هذا التعريف عند علماء الأصول المتعلق بأفعال المكلفين. Donc il a dit ما تعلق بأعمالهم سواء كان قولا أم فعلا, que ça soit des paroles ou des actions avec les membres. قال إيجادا أم تركا. On verra هذا في الواجب والمحرم. الواجب tu dois le faire et المحرم tu dois t'en écarter. Donc أفعال المكلفين, أفعال المكلفين ça englobe leurs actions et leurs paroles qu'ils doivent faire ou ne pas faire. قال فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. العقيدة tout ce qui est l'aqida fi hada ta'rif on ne fera pas rentrer l'aqida limadha li anna on est fi usul al-fiqh et on va traiter les adilla fi al-fiqh pas autre fa li hada kharaja bi qawlihi al-muta'alliq bi af'al al-mukallafin al-mukallafin al-i'tiqad al-aqida. Alors que quand tu réfléchis, est-ce que croire que Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus de la créature, au-dessus des cieux, au-dessus de son trône, c'est wajib même là? Là, chaque c'est wajib. C'est min aqidat ahl sunnah. Fi hada ta'rif, ça rentre pas là-dedans. Limadha li anna on est fait ta'rif l'istilah 'ind al-usuliyin. Amma la shak anna shar'an. Shar'an, la shak le wajib ça englobe l'aqida. Et chaque mu'min, il est obligé d'avoir une aqida sahiha. Et c'est muharram matalan de faire du tamthil. C'est un hukm al-tahrim. C'est un hukm, comme on verra. On n'a pas le droit de faire du tamthil, de faire ressembler à la créature. Lakin hadha sivi al-shar' dans l'aqida. Amma huna, on est dans une matière bien précise. Hadha l'exemple est tayyib pour te permettre de différencier entre les définitions. Fi l'istilah, fi l'ura et fi l'shar'. Qala, wal murad bi qawlina al-mukallafin ma min sha'nihim al-taklif fayashmal al-saghir wal-majnoun. Wa huna ya un khata wadih, un saqt. فلا يشمل الصغير والمجنون. Est-ce que في الشرح tu as التنبيه؟ لا. في الشرح. فيشمل. حتى في الشرح. لكن après, dans l'explication, هات انظر. لأن هكذا لا يستقيم المعنى. فخرج ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون. قال فيشمل الصغير والمجنون أي أن الصغير والمجنون يتعلق بأفعالهم حكم بأفعالهما حكم لأنه مكلفون في الأصل لكن وجد مانع وهو الجنون والصغار وإلا فإن من شأنهم أن يكلفوا. نعم على هذا طيب. أما البعير والبقر والشاء والحمار والهرة فهي غير مكلفة. نعم فأنهم سيد مكلفون أي أنهم سيد زيتخمة. هذا طيب. وإلا فإسك إسون كونسيرني بار هذه الأحكام فلا فعلى قول شيخ العثيمين فطيب. فقوله المراد بقولنا المكلفين ها بارك الله فيك ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون. يشمل الصغير والمجنون أنهم في الأصل سيدي مكلفون سيدي زيت خمام. لكن كما قال الشيخ العثيمين dans le شرح il y a un مانع, il y a une chose qui empêche à هؤلاء أنهم ils sont concernés par le wajib. لماذا؟ لأنهم il y a un مانع. مثلا est-ce que l'enfant il est obligatoire de faire un salat? Un enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est pas obligé pour lui ce salat. Est-ce qu'un majnoun, un musulman qui a perdu la raison, est-ce que pour lui c'est obligatoire le salat? Là, il est comme un sabir. Ou là, ils sont pas concernés par l'ahkam alors qu'à la base, ils font partie de ahl al-taklif. Al-mukallafun, c'est l'ins ou l'djinn, les êtres humains et les djinns. Ça fait sortir les animaux et la akhir. قال فيشمل الصغير والمجنون. أنا dans mon kitab j'ai un تنبيه قال في الشرح رحمه الله لا يشمل فينظر. Est-ce que dans une طبعة il a fait la précision, c'est des audios, il a, peut-être qu'il a expliqué plus d'une fois. Inch'Allah, pour la prochaine fois on regardera les autres shurouh, on reviendra, on essaiera de revenir aux audios pour voir s'il n'a pas نبهنا هذا وإلا l'explication dans le شرح du frère فالطيبة. على كل حال المكلف c'est celui qui est concerné par هذه الأحكام. Deux choses, ceux qui sont concernés par هذه الأحكام, il faut deux شروط. ما هي؟ Pour vous simplifier, pour que un homme ou une femme il soit concerné par les obligations, il faut deux choses, hein? البلوغ والعقل. أحسنت. البلوغ والعقل. Enfin, s'il a atteint la puberté, il est concerné bien sûr par التكاليف الشرعية et كذلك العقل. Ça fait sortir الصغير والمجنون. قال والمراد بقولنا من طلب ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. قوله من طلب, قال الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية. أي نعم, من طلب ça englobe l'amr ou l'nahi, que ce soit l'ilzam ou l'afdaliya. Donc ça concerne l'amr, ça concerne l'wujub, et l'nahi ça concerne l'interdiction. Ala sabil al-ilzam ou l'afdaliya, ça fait rentrer kadalik al-mandoub wa al-makrouh. Et tout ça inshallah on le détaillera. قال والمراد بقولنا التخيير المباح. Donc tu as 5 ahkam. Tu as l'obligation et le contraire l'interdiction. Tu as les choses recommandées, l'inverse, les choses qui ne sont pas recommandées, al-mandoub ou al-makrouh, et tu as, قال قوله والمراد بقولنا تخيير أي المباح. Et les choses où tu as le choix, c'est مباح. Tu as le droit de faire ou de ne pas faire. قال والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. Et هذا c'est un باب طيب. Et inshallah on essaiera de le faire la semaine prochaine, mais aujourd'hui on n'aura pas le temps. Mais il y a ta'alaq bil sahih wal fasid. Hada mathalan c'est beaucoup employé fi al uqud. Est-ce que cet acte de mariage il est valide am la? Il est sahih am il est fasid? Est-ce que ce contrat de vente il est sahih am fasid? On verra mathalan que bay' al majhoul l'aqd il est fasid. Celui qui vend une chose qu'il ne possède pas, ou il vend une chose majhoula. Mathalan, je te dis, je te vends telle voiture et toi tu la vois pas, elle est dans un autre pays, elle est dans une autre ville. Et on se met d'accord, le bay' il est fasid. Là. لماذا لأن c'est من المجهول, ربما elle va pas lui plaire quand elle va lui voir. الشارع هنا la porte elle est fermée, أنه c'est محرم et العقد il est fasid. Vous avez remarqué que الأحكام الوضعية tu vas parler de صحيح et de fasid. Et accepter ou ne pas accepter. Est-ce que le contrat il est valide ou il n'est pas valide? Les autres ahkam al-shar'iyya, ça sera sur le wujub, l'obligation, l'interdiction, au recommandé, non recommandé. C'est ça la différence. قال أقسام الأحكام الشرعية. Et la deuxième partie, inshallah, on la fera dans notre prochain dors. أقسام الأحكام الشرعية تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين تكليفية ووضعية. Aujourd'hui, on va essayer d'étudier ensemble l'ahkam al-taklifiyya. Amma al-wad'iyya, ça sera la prochaine fois. Al-taklifiyya, qala fa-taklifiyya khamsa. Al-wajib, wal-mandoub, wal-muharram, wal-makrouh, wal-mubah. Donc, fi shar'ina, imma, les choses elles sont obligatoires, comme Salat al-fajr, wal-duhur, wal-asr, wal-maghrib, wal-isha. Ça, c'est des salats obligatoires. Imma des choses mendoubes, recommandées. Mathalan, salat al-duha, faire siyam lundi et jeudi. Imma des choses muharrama, des choses interdites, que zina, wal-qatl, wal-shirk, wal-akl, al-akl fi nahar ramadan sans excuse valable. Tout ça, c'est muharram. Aw makruh, des choses détestables. Vaut mieux les délaisser. Ou des choses mubaha, des choses permises. Manger, boire, dormir, aller dans tel endroit, porter tel vêtement, tout ça c'est permis. Sauf si on a une chose bien sûr qui montre que c'est haram, ou on a une chose qui montre que telle chose il faut la faire. Enfin, rien ne sort de ces cinq ahkam. Si tu as compris hadhihi al-ahkam al-khamsa avec les ta'arif, avec l'explication de Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, enfin même une mas'ala, tu comprendras ce terme obligatoire, interdit, recommandé, détestable et permis. قال رحمه الله فالواجب لغة الساقط واللازم واصطلاحا ما أمر به الشرع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس تعريف شامل مختصر طيب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس نعم ما أمر به الشارع أي الله سبحانه وتعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم الشارع سبحانه وتعالى الشريعة الشريعة هي شريعة الله سبحانه وتعالى كي لها révélé au prophète محمد صلى الله عليه وسلم donc علماء الأصول ils emploient souvent ce mot الشارع أي celui qui légifère أي الله سبحانه وتعالى أي tout ce qu'il a révélé au prophète عليه الصلاة والسلام donc هذا تستفيد منه أن personne a le droit de rendre une chose obligatoire sans délil. Ahyanan, on vit une époque, ils veulent rendre des choses obligatoires. Quand tu demandes un dalil, il n'y a aucun dalil. Si tu n'as pas de dalil, ne fais pas attention, ce n'est pas obligatoire. Hakada les interdictions. Ils interdisent des choses. Quand tu regardes, en fait, c'est basé sur les coutumes, ou c'est basé sur le suivi aveugle, ou c'est basé sur les passions, iyadam billah. Vu que lui, il aime pas cette chose, il veut la rendre interdite pour les autres. Ou vu que lui, il aime cette chose, il veut la rendre obligatoire pour les autres. Fahdharu. هذه الأحكام سيد أحكام شرعية et on n'a pas de place هنا pour قول un tel ou فلان يما دي ou ils font là un دليل c'est واجب on fait tout notre possible pour le faire c'est interdit on sent les cartes بإذن الله عز وجل قال على وجه الإلزام كالصلوات الخمس هذا الواجب on peut faire une précision هنا أن هذا الواجب باعتبار الفاعل الواجب par rapport à chacun de nous, ça se divise en deux. Wajib, aini, wajib, kifai. Il appelle kadalik al-fard. Al-fard al-aini ou al-fard al-kifai. On peut le citer en mimbab al-fa'ida faqat. Il y a des choses, c'est obligatoire pour chacun de nous, mettalana salawat al-khams. Et il y a des choses, c'est obligatoire, si certains le font, c'est plus obligatoire pour nous. Ka salat al-janaza. Salat al-janaza, c'est une partie de la communauté. Elle fait salat. Un musulman, il n'est pas obligé d'assister. Si tout le monde la délaisse, tout le monde est athim, tout le monde a commis un péché. Fahada, c'est min bab al-fa'ida, c'est ma'rouf, inshallah, indakum. Qala fa kharaja bi qawlina ma amara bihi al-shari' al-muharram wal-makruh wal-mubah. C'est pour ça que c'est important, ya ikhwan, de connaître le ta'arif. Lianna ta'arif, en haqiqa, tu vas apprendre des choses. Le shaykh, il va te citer beaucoup de masa'il en une phrase. Et كذلك ce tarif il va faire sortir des choses. لماذا لان من آفات المتعلمين الجهال qui ne font pas d'effort في العلم انهم mélangent les choses. ففي الحقيقه احيانا ils entendent une chose et ils pensent que telle chose elle rentre dans cette définition. C'est pour ça qu'ils autorisent des choses, ils interdisent des choses, ils font des choses qui contredisent الشريعة القرآن والسنة أما avec هذا التعريف قوله ما أمر بالشارع على وجه الإلزام قوله ما أمر به الشارع ça fait sortir الحرام لماذا لأن الله il a pas ordonné de faire الحرام والمكروه الله il a pas ordonné de délaisser le makruh c'est mieux de délaisser et ça fait sortir كذلك المباح نعم on parle pas pourquoi on n'a pas cité encore le recommandé لماذا هنا il a pas cité le recommandé ما أمر به الشارع ça fait sortir le محرم والمكروه والمباح لماذا il a pas cité le recommandé هنا hein ماذا حتى المحرم il y a des نصوص c'est interdit de faire zina il y a un نص Ahsant. Pourquoi donc il n'a pas cité le recommandé? لكن هنا قال ما أمر به الشارع لماذا il a pas cité il a pas fait sortir le mandoub لماذا c'est précis ما أمر به الشارع ثم il a dit خرج بقولنا ما أمر به الشارع on fait sortir trois choses avec cette partie de la définition المحرم والمكروه والمباح il manque le mandoub pourquoi il a pas fait sortir le mandoub alors que le mandoub c'est le mustahab c'est pas obligatoire لكن هو الآن رحمة الله عليه نمطخ أن ست بارتي التعريف صفة صفتها المحرم والمكروه والمباح يعني هو يعني يتعلق بالنهي لا لأن المندوب مأمور به مستحب مأمور به لكن ليس على وجه الإلزام est-ce que tu dois essayer de faire le recommandé نعم tu dois faire le recommandé tu dois faire l'obligation لكن l'obligation c'est على وجه الإلزام t'as pas le choix et le recommandé Si tu le délaisses, fais la chair alayk. Falihada qawl, juste après la réponse, wa kharaja bi qawlina ala wajh al ilzam al mandoub. Donc ce qui fait sortir c'est le mandoub, c'est al ilzam. Ay, tu n'es pas obligé de le faire. Lakin, est-ce que tu fais les choses recommandées? Naam. Naam, tu les fais. Fa qawluhu ma amra bihi al shari' al amr, il est ala qismin. Les ordres, c'est de deux. Il y a des ordres, c'est obligatoire. Il y a des ordres, c'est recommandé. Maintenant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enjoint, recommandé de faire salat al-duha, qiyam al-layl, etc. Naam. Lakin, est-ce que c'est à la wajh al-ilzam, si tu délaisses, tu fais des péchés? Là. Et alors, on le verra en détail, incha'Allah, vi, fi bab al-amr. Donc, al-amr, fi nusus al-kitab al-sunnah, ahyanan, tu as un ordre. Lakin, cet ordre, c'est une obligation. Aqim al-salat, c'est un ordre, c'est obligatoire. Ahyanan, tu as un ordre, et c'est recommandé. C'est ça l'importance de Usul al-Fiqh. Al-An, quand tu vas étudier ce livre, Inch'Allah, tu vas pouvoir, avec cet outil, savoir est-ce que cet ordre, c'est pour une obligation ou c'est pour une recommandation. Tu vas apprendre une règle nafi'a dans l'Usul. An al-Asl fil amr, c'est le wajib. La base, quand tu as un ordre, c'est que c'est obligatoire. C'est ça la base. Thumma, avec les recherches, ahyanan, tu peux trouver un autre délil qui montre que Cet ordre, en fait, ce n'est pas une obligation. C'est recommandé. Mais vous, c'est ça l'usul. Vous avez remarqué que l'un, on n'a pas parlé de salat, de siyam, là. On citera le fiqh en exemple. Amma, les règles, c'est par rapport à ces points. Al-amr, wa-nahi, etc. Qala, wa kharaja bi qawlina ala wajh al-ilzam al-mandoub, wal-wajib yuthab fa'iluhum tithalan, wa yastahiqu al-iqab tahrikuh. Ça, c'est... Ça, c'est la récompense qui est liée au wajib. Celui qui fait al wajib, yuthab fa'ilu. Celui qui fait une obligation, il est récompensé. Maintenant, celui qui fait siyam ramadan, fa, alhamdulillah, il est récompensé. Man sam ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. C'est quoi al-thawab? C'est le ghufran. Celui qui fait ramadan, qui jeûne ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés. تأملوا قوله والواجب يثاب فعله امتثالا c'est pas tout le monde لماذا لان المنافقين مثلا يفز الصلاه est-ce qu'ils étaient récompensés ابدا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار donc pour être récompensé celui qui espère la récompense quand il fait une obligation لابد من الامتثال اي لابد من شروط والشروط معروفه عند الجميع الاخلاص والمتابعه إنما الأعمال بالنيات قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد donc cette obligation il faut que le musulman soit sincère et bien sûr elle soit basée sur le suivi du prophète عليه الصلاة والسلام أما واحد في صلاة الظهر on donne un exemple واحد في صلاة الظهر il fait pas لله عيادا بالله c'est un منافق فلا شك il sera pas récompensé C'est un kafir billah azza wa jalla. Même s'il a fait salat al-duha. Il l'a fait pour montrer aux musulmans, anna usa muslim, et il a des intentions, iyadam billah, mauvaises. Sa salat, elle n'est pas acceptée. Un autre, il fait salat al-duha, lakin, il fait que trois raka'a. Il ne fait pas comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quatre. Sa salat, elle est batila. Il est obligé de faire quatre raka'a. Tu as les deux conditions. Wa fi qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam, le hadith qu'on a cité, man sama ramadan, imanan wa ihtisaban. La condition de l'ikhlas, elle est bien citée. قال ويستحق العقاب تاركه celui qui délaisse هذه العبادة الواجبة فيستحق العقاب. بعض الأصوليين يقولون يعاقب تاركه، يعاقب تاركه. الحقيقة هذا فيه تقصير. C'est quoi la différence entre يعاقب تاركه ويستحق العقاب تاركه؟ الشيخ بن عثيمين هنا قال ويستحق العقاب تاركه. Tu as compris؟ يستحق أي يمغت العقاب، le châtiment، celui qui délaisse l'obligation. مثلا مسلم من المسلمين يدلس الصيام، il fait pas، il jeûne pas le mois de Ramadan، فيستحق العقاب، il mérite le châtiment. Si on dit ويعاقب تاركه، c'est quoi la différence؟ On enlève le mot يستحق. عندك يستحق بمعنى هو في مشيئة الله. اها إما يعاقب، إما الله يعاقب، إما يغفر له. Et le deuxième يعاقب. نعم، la différence elle est عظيمة. إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen قال ويستحق على عقيدة أهل السنة أن celui qui délaisse une obligation il est تحت مشيئة الله. Si Allah subhanahu wa ta'ala il veut il lui pardonne, si Allah subhanahu wa ta'ala il veut il le châtie. On a cité l'exemple de الصيام لأن في الصلاة بعض العلماء يقولون أن celui qui la délaisse c'est un kafir فيعاقب s'il meurt على هذا الحال. لكن on parle des obligations autres que le fait de le délaisser, ça fait sortir de l'islam. Maintenant, celui qui délaisse le tawhid, ou il délaisse le salat, ou il délaisse ses obligations, ça contredit, ça annule l'islam, فهذا شيء آخر. لكن toutes les autres obligations, الحج والصيام إلى آخره, فهذا على عقيدة السنة يستحق العقاب تاركه. Et si Allah subhanahu wa ta'ala il veut, il le châtiera, s'il veut, il lui pardonnera. فلهذا, c'est important, la kalima يستحق. أي il mérite. قال ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما أولا أو قبل ذلك أنا أبلي كذلك أن أدخل تنبيه أن بعض الناس يسون إكسكوزي فلا يعاقبون ولا يستحقون العذاب والعقاب. الناس celui qui oublie والمخطي celui qui a fait qui a délaissé par erreur فهؤلاء المكره كذلك هؤلاء لا شك أنهم يسون إكسكوزي. قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. مثلا واحد يدلس il a pas fait le premier jour de Ramadan, il mange, c'est haram بالإجماع. لكن هو يسافر با personne l'a informé que c'était le premier jour de Ramadan. فربما chez lui il a bu, il a mangé, il a خير jusqu'au مغرب. On قدر واحد il est au travail et personne l'a informé que c'était صيام. Quand il rentre chez lui le soir, il l'informe à Naho, c'est le siyam, et Yahoua il dit, ah non, j'ai pas fait le siyam. Est-ce que هذا يستحق العقاب؟ هذا لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه il avait une excuse, l'ignorance, personne l'a informé. فهذا, à la fin du mois de Ramadan, il rattrape un jour. واحد, il sait que c'est le début du mois de Ramadan. On l'a informé, لكن quand il rentre chez lui, il mange et il boit, il veut pas faire le siyam. هذا يستحق العقاب. C'est ça la différence. Donc, الواجب يدي قيود أو الامتثال الإخلاص والمتابعة العقاب استحقاق العقاب كذلك يدي قيود important ça fait sortir ceux qui ont des excuses comme celui qui oublie أو celui qui a fait cette chose par erreur. قال ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما plusieurs noms. Donc dans les nusus, ahyanan tu auras al-fard. Ahyanan tu auras al-wujub. Ahyanan tu auras des textes ou des paroles de savants, ils emploieront le mot hatm, hatman ou laziman, ay laziman alayk fi'l kadha. Ça montre al-wujub. Et ce qui est connu c'est beaucoup al-wujub et al-fard. Et on verra inshallah dans ce livre an al-wujub et c'est très très important an tastafid quand est-ce que tu sauras d'après les textes que telle chose elle est obligatoire. On verra dans ce livre مثلاً الأمر quand c'est un ordre la base c'est que c'est obligatoire. قال ابن القيم رحمه الله une فائدة ويستفاد الوجوب بالأمر طارة وبالتصريح طارة وبالإيجاب والفرض وغير ذلك ولفظ إلى آخره. مختصر نعم. مثلاً على العباد كذا على المؤمنين كذا كذلك ترتيب الذم celui qui délaisse telle chose. Il peut être menacé du feu ou d'une sentence. Ou, tout ça, ça montre que c'est obligatoire. Et c'est ça, usul al-fiqh. Inch'Allah, ça sera les doros suivants. Mathalan, ghuslu al-jumu'a wajibun ala kulli muhtalim. Ça, c'est un nas, ya lafd al-wujub. On dit que c'est obligatoire. Donc le qawl sahih, anna le lavage, le fait de se laver avant salat al-jumu'a pour les hommes, c'est obligatoire. On a un nas, wajib. Ahyanan, tu as une menace. Celui qui ne fait pas telle chose, il risque kada comme châtiment. La chèque, ça serait recommandé, il n'y aurait pas de châtiment. Donc, testifie que c'est obligatoire. Kadalik, tous les awamir, les ordres, la base, c'est que c'est obligatoire. Sauf dans certains cas, qu'on verra ensemble, Inch'Allah. Obama, ce premier dars, avec ses définitions, avec ses premiers points qui sont liés directement à l'usul, ça te permet l'un. De voir la différence avec le fiqh. Vous avez remarqué qu'on n'a pas parlé de fiqh min bab al-tafsil. Quand on cite le fiqh, c'est en exemple, faqat. Qala al-mandoub, lughatan al-mad'ou, wa istilahan ma amara bihi al-shari' la'ala wajh al-ilzam kar-rawatib. Vous avez remarqué que ça ressemble au wajib, c'est un amr, ma amara bihi al-shari' la'ala wajh al-ilzam. Wajh al-ilzam, c'est tu n'as pas le choix. Al-wajib, tu n'as pas le choix. C'est ça l'asr. Sauf bien sûr celui qui a une excuse. Il est malade, matalan, il ne peut pas faire siyam. Est-ce qu'on va dire s'il délaisse siyam, il a délaissé un wajib et il peut se faire châtier? Abadan, il a une excuse. C'est ces conditions qu'on avait citées pour le châtiment. Il a une excuse. Il est malade, ou une vieille personne. Ou il y a un délil qui montre qu'il a le droit de délaisser. Matalan, al-musafir. Al-musafir, s'il ne fait pas siyam, il choisit de ne pas faire siyam, on ne dit pas qu'il a délaissé un wajib. L'imad al-yanna, dans son hal, il a une excuse, il a une rukhsa, il ne fait pas partie de ceux pour qui c'est obligatoire l'aziman à ce moment. Hada, c'est qawluhu al-lazim. Huna qal ma amara bihi al-shari' la ala wajh al-ilzam. Tu auras des textes qu'il faut faire cette chose, lakin c'est pas ala wajh al-ilzam. Et si tu veux, tu as le droit de ne pas faire. Qala Cheikh ibn Uthaymeen rahimahullah karrawatib. Mathalan, les deux raka'a avant Ad-Duhur, ou les quatre raka'a. Ça s'appelle rawatib. Rawatib, c'est les salawats qui ne sont pas obligatoires et qui sont liés aux salats obligatoires. Imma avant, imma après. Avant Ad-Duhur, après Ad-Duhur, avant l'Asr, il a akhir. Avant le Maghreb ou après le Maghreb, avant l'Isha, après l'Isha, ça c'est rawatib. Fahadi salawat, elles ne sont pas obligatoires. Lakin, il y a une énorme faïda de les faire. Donc, Al-Amr, stafadna de ces deux tarifs, on a deux définitions, l'obligation et Al-Mandoub. Tastafid min hada, Al-Amr, il est à la darbi, à la qismi. Awamir, Al-Amr, c'est les ordres. Fais telle chose. Aqimu salat. Imma, c'est obligatoire et c'est la base. Et elle est importante cette règle. La plupart des awamir et la base, c'est que c'est obligatoire. Ahyanan, et c'est la deuxième catégorie, tu auras un amr, un ordre qui n'est pas obligatoire. Et ça sera une ibadah qui est recommandée. Et hada, inshallah, on le verra fi bab al-amr en détail, on n'a pas besoin de citer des exemples l'un. Qala fa kharaja bi qawlina ma amra bihi al-shari' al-muharram wal-makruh wal-mubah. Limadha? Li'anna Allah ma amra bi al-muharram wal-makruh wal-mubah. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas ordonné de faire du haram ou quelque chose de détestable ou quelque chose de mubah. وقوله وخرج بقولنا على وجه الالزام الواجب لماذا لان الواجب c'est على وجه الالزام tu n'as pas le choix et le recommandé c'est pas على وجه الالزام si tu le fais c'est mieux si tu le délaisses فلا شيء عليك tu n'as pas de péché tu n'as rien c'est ça la différence entre الامر و المستحب les deux ils sont réunis sous un même nom ما هو les deux الامر الواجب l'obligatoire et le recommandé tu peux les mettre sous le même nom تفضل يدخلون في مسمى عندك les deux les awamir rentrent تحت اسم العباده الصلاه الظهر سين عباده ام لا نعم سي obligatoire c'est un amr c'est واجب صلاه الضحى سين عباده ام لا نعم est-ce que c'est obligatoire là c'est mandoub donc al awamir c'est العبادات c'est العبادات من الصلاه والزكاه الى اخره الزكاه c'est obligatoire un rukm et arkan l'islam. Sadaqa, donner de l'argent à des pauvres, c'est pas obligatoire. C'est mimbab, al-mandoub, et c'est une ibadah. Qala, wal-mandoub, yuthab fa'iluhum tithalan, wala yu'aqab tarikuh. Donc vous avez vu la différence avec le wajib. Al-mandoub yuthab fa'iluhum tithalan. Naam. Vous avez remarqué que هذا القيد امتثالا لأن بعض الناس يبفروا une chose ولا يثابون على هذا الشيء. Prends l'exemple du siyam. Celui qui fait le siyam du lundi امتثالا لله عز وجل, il est récompensé. Bien sûr كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام du fajr jusqu'à غروب الشمس الى اخره. Il a une bonne intention, il est récompensé. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه من النار 70 خريفا حديث ابي سعيد رضي الله عنه من صام يوما في سبيل الله دونك هذا لي ريكومبونس مثلا اون دي في لو لاندي ان اوتر يفي لو ميم صيام دو فجر او مغرب لكن سي با امتثالا مثلا لو ميدسان لو ا دي فو جوني لو ميدسان لو ا دي فو جوني toute la journée aujourd'hui لماذا لان لو سوار يفي لو فير دي تيست الى اخره مهم امروه بالصيام يفي لو ميم فعل. Il ne mange pas, il a akhiré, il n'a aucun thawab. L'imada, ce n'est pas l'illah, ce n'est pas mtithalan. Donc, qawluhum mtithalan, il est important. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il a cité un autre exemple. Fil haqiqa, on peut le citer fi al-wujub, ala qawl man yaqul bil-wujub. Celui qui fait ghusl al-jumu'a, et on a cité l'exemple, ghusl al-jumu'a wajib, ala kulli muhtalim, qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui fait le jumu'a le vendredi, lakin, il oublie qu'on est vendredi. Il oublie qu'on est vendredi. Il fait le ghusl. Pourquoi il fait le ghusl? Parce qu'il fait chaud. Ou parce qu'il a travaillé. Thumma, il se rappelle que c'est vendredi. Il se rappelle que c'est vendredi. Donc, il doit faire le ghusl. Fait هذا الحال, son premier ghusl, il n'est pas valide pour le ghusl. لماذا لأن الأعمال بالنيات. Fait هذا الحال, il doit refaire le ghusl avec niyat, امتثالا, أن ce ghusl, c'est pour الجمعة. Vous avez vu la différence? Pourtant, il a fait le ghusl, il s'est lavé. Lakin, al-imtithal, c'est wajib pour le wujub, bien sûr, et pour le mustahab, pour avoir la récompense. Enfin, celui qui jeûne le lundi parce que le médecin lui a dit de jeûner, ou pour faire un régime, il a akhiré. Enfin, si c'est pas l'illah, et c'est pas imtithalan, les amrillahi azzawajal al-mustahab, fahada, il a pas d'ajr, il a aucune récompense. Qala, wa yusamma sunnah. سنة ومسنونا ومستحبا كذلك تطوعا التطوع vous pouvez rajouter هنا ونفلا donc السنة وكذلك il appelle مسنون ça vient du mot سنة مستحب هذا معروف et كذلك النفل et on peut rajouter التطوع tout ça c'est des mots qui montrent que c'est une chose recommandée. تنبيه مهم pour éclaircir la différence entre اصطلاح الأصوليين والفقهاء واصطلاح الاصطلاح الشرعية. السنة عند علماء الأصول وفي الفقه السنة quelque chose de مسنون c'est المستحب أي c'est le degré en dessous de الوجوب أي c'est mieux de le faire si tu le fais t'es récompensé مثالا si tu le délaisses lâcher عليك tu n'as pas de péché. Ça, c'est as-sunna عند al-usuliyin et fi kutub al-fiqh. Dans le domaine du fiqh, as-sunna, c'est hada. Fi shara' as-sunna, c'est al-islam. Ça englobe tout, ça englobe même l'aqida. Usul as-sunna l'imam Ahmed, rahmatullah alayhi. Est-ce qu'il va citer usul as-sunna, les fondements des adorations recommandées? Abadan. Il commence par l'iman billah. واتباع الصحابة وهجر أهل البدع وطاعة الحكام والإيمان قول وعمل لكسبيك الدين. السنة للإمام البربهاري رسالة نافعة. السنة للبربهاري نكمل بس اللي هو السنة أنا يبغى ديتايل السنة الرواتب السنة الجوني الجودي الولاندي لا السنة للبربهاري لكسبيك دين والإسلام. C'est pour ça qu'il a commencé sa risale par قوله رحمة الله عليه اعلم أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. السنة c'est l'islam. Ça c'est في الشرع dans notre دين. Quand je dis maintenant il faut suivre la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. Est-ce qu'on doit suivre que les choses recommandées? Là, tu dois suivre son دين عليه الصلاة والسلام. Donc vous avez vu la différence entre le تعريف شرعي السنة c'est دين et le تعريف الاصطلاحي أي عند علماء الأصول وعند الفقهاء السنة c'est les عبادات recommandées. Maintenant عند هؤلاء Salat al-Duhur, tu dis pas sunna. Pour eux, Salat al-Duhur, tu dis wajib. Al-Ratiba après al-Duhur, tu dis sunna. Fahada. Et كثير من الناس ils comprennent de as-sunna que hada. Pour ça, il te dit, c'est pas une sunna, ou c'est qu'une sunna. Non, fa'ala hada la bas, lakin, on doit bien comprendre, nahnu, la différence. Et kadhalik, le fait d'apprendre ces détails, walillahi alhamd, anna sunna, huna, inda al-fuqaha, dans notre sujet, anna c'est quelque chose de recommandé, si on la délaisse, on n'a pas de péché. Al-Muslim, al-Haris, al-Din, et qui espère l'au-delà, ça ne doit pas l'empêcher de négliger Sunna. On a appris que Sunna, si on la délaisse, on n'a pas de péché, fala qiyam layl, wala siyam nafila, et on se consacre que aux obligations. Ihdharu min hada. Iblis, il a égaré kathirun min al-nas min hada al-bab. Limada li anna al-sunna, al-nafila, al-mustahab, fal-haqiqa, c'est un bouclier qui va protéger al-fard. Si tu le délaisses, le shaitan il va toucher à tes obligations. Comme Minanas, il faisait salat obligatoire au masjid. Et après, il faisait ratiba. Et il faisait shay min qiyam al-layl. Et il faisait salat al-duha. Le shaitan, min hadha al-bab, à cause du travail, à cause des occupations, délaisse. C'est qu'une sunnah, ce n'est pas obligatoire. Il délaisse qiyam al-layl. Thumma, il touche à salat al-duha. Thumma, il touche au rawatib. Il n'a plus le temps. Il va au masjid, il fait l'obligatoire. Quand il rentre chez lui, c'est mieux. Les rawatib et les nawafil de les faire à la maison. Il rentre chez lui, il ne fait plus. Il lui reste que l'obligation. Quand il faisait le mustahab, l'obligation, elle était préservée. Celui qui fait le ratiba, il fait l'obligation. Celui qui fait le qiyam layl, il fait salat al-fajr. Vu qu'il a touché aux choses qui protégeaient l'obligation, shaitan, il va commencer à lui toucher l'obligation. Il ne fait pas qiyam layl, il va commencer à ne plus se lever pour le fajr. Avant, il faisait salat au masjid, il délaissait le rawatib à cause du travail. À cause du travail, il va commencer à délaisser salat au masjid. Il va le faire chez lui. Il faisait salat à l'heure, shaitan, il va lui faire, tu n'as plus le temps, il a akhiri, regroupe les salawat. Il va les regrouper la nuit. Arrivé un moment, il ne fait plus salat. Hakada shaitan. Falihada nawafil, on ne doit pas négliger. Kadhalik, n'oubliez pas l'ajr al-azim. Celui qui jeûne un jour, fi sabilillah. Un jour, fi sabilillah. Khassatan hadhihi al-ayyam, ayyam ash-shita. On rentre bientôt dans l'hiver. On est au mois de Safar et le calendrier de Nassara. On est au mois d'octobre, au mois de novembre, décembre. Les journées vont être très courtes. C'est une force azim. Tu ne le sens même pas. Ce que tu vas manger le matin, tu as l'habitude de te lever quand tu te lèves, tu le manges avant le Fajr. Le Fajr, ça va être très très tard. Tu vas manger Obama à 6 heures à Sahour. À 6 heures, c'est ce que tu mangeais le matin d'habitude. Le repas du midi, il est décalé au Maghreb. Au lieu de manger à 1h de l'après-midi, à midi, à 14h, ça dépend, tu vas manger vers 17h, 18h. C'est exactement la même chose. C'est un ajr azim inda Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala, il éloigne ton visage du feu 70 ans. Enfin, imagine celui qui fait deux jours. 70 plus 70. Imagine celui qui fait une semaine. Imagine celui qui fait ça toute sa vie, le lundi, le jeudi, au minimum 3 jours par mois. Fani amatun azim. Et comme min ujour, et comme. Ne pas négliger hada, liana ba'd an-nas, ils entendent hada, ayyadu billah, shaitan. Vous avez remarqué que shaitan, au lieu de faire basculer vers le positif, mathalan, celui qui fait al-mandoub, yuthab, fa'ilo. Normalement, c'est sur ça, nahnu, qu'on doit s'axer. Vu qu'il y a une récompense, je fais tout pour le faire. Et on n'exagère pas, attention! Naturel. Une autre faïda min hadith dirasa, on n'exagère pas. Anna, un frère qui ne fait pas le lundi et jeudi, on ne le conseille pas comme s'il avait délaissé Ramadan. Là. Si tu veux t'entraider avec lui et tu lui montres le fard, alhamdulillah, s'il ne fait pas, ce n'est pas obligatoire. Lakin, on fait attention, le shaitan ne nous bascule pas l'autre côté. Wala yu'aqib tariko. Et on prend que ça. Vu qu'il n'y a pas de péché, alhamdulillah, je ne fais pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne t'a pas créé que pour ne pas faire de péché. Là, wama khalaqtul jinna wal insa. Et là, c'est une ibadah. Donc, on ne doit pas regarder l'autre côté. Iyadun billah, avoir hada al-fahm al-mankous, qui écarte min al-khayr, qui nous écarte du bien. Al-muharram, on essaye de finir. Naam. Lughatan al-mamnou'a. Al-mamnou'a, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Hada, c'est wadih. Wa istilahan ma naha anhu al-shari' ala wajh al-ilzam bi-tark, ka'uquqi al-walidayn. Donc, قوله on lit directement فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح لماذا لان الواجب c'est un amr المندوب c'est un amr et المباح qu'on verra à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala manahana an al-mubah. Al-mubah, tu as le droit de le faire. قال وخرج بقولنا على وجه الالزام بالترك المكروه. Donc المحرم c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire. لماذا لان الله il a interdit à la وجه الالزام. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, tu dois le délaisser. Contrairement au makruh. Au makruh, il faut le délaisser, lakin si tu le fais, enfin c'est pas comme le haram, tu n'as pas de péché comme ça ياتي. قال والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. هذه المسألة قوله يستحق العقاب فاعله هذا سواضح أن celui qui fait un haram فيستحق العقاب. Si c'est du shirk et il meurt à la dalhal فيعاقب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه المسألة tu as الشرك ونواقض الإسلام celui qui meurt à la dalhal عيادا بالله الله lui pardonne pas et le châtira. Tu as les autres haram, عقيدته للسنة, boire d'alcool, الزنا, voler إلى آخره, فهذا يستحق العقاب فاعله. أي إذا شاء عاقبه وإذا شاء عفى عنه عز وجل. هذا ولله الحمد تقدم معنا كثيرا لدروس التوحيد. قوله والمحرم يثاب تاركه امتثالا, فهذه المسألة on l'avait en détail في شرح رياض الصالحين. تذكرون القاتل والمقتول في النار, من هم بالسيئة ولم يفعلها كتب له سيئة كاملة أو أجر كامل. Tout ça on l'a vu في رياض الصالحين. On peut résumer ici أن le fait de délaisser le haram, مثلا واحد يدلس الزنا, شيخ ابن عثيمين قال امتثالا, ça c'est une précision مهمة, فهذا il est récompensé. Ça donne في الحقيقة plusieurs صور qu'on a cité ensemble في شرح رياض الصالحين et qu'on répète ici باختصار. من يترك هذا الحرام امتثالا فهذا يثاب. Il a une récompense. Vous vous rappelez le hadith, le dernier hadith dans le chapitre Al-Ikhlas, cet homme qui était attiré par une femme, par sa cousine, et il avait tous les moyens pour faire zina. Thumma lui a dit ittaqillah. Il a délaissé هذا لله عز وجل, il a une énorme récompense. La preuve, c'est qu'il a fait ce dua avec cette ibada azima, le fait de délaisser, ça se montre. L'ibada, ça peut être un fi'l, ça peut être délaisser une chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala, farraja anhum, le rocher a été déplacé un petit peu. Hada, il a délaissé mtithalan, il est récompensé. Le deuxième, on va simplifier, on ne va pas citer tous les cas. Yatruk, hadi al-ibada min bab al-ajz. Min bab al-ajz. Il fait tout pour faire ce. J'ai dit yatruk l'ibada, yatruk l'haram. Il fait tout pour faire hada l'haram, lakin il n'arrive pas. Al-qatil ou al-maqtul finnar. Il voulait tuer son frère, lakin son frère il a eu le dessus et il l'a tué. Les deux ils sont finnar. Pourquoi le deuxième il est finnar? Parce qu'il avait l'intention de faire le haram, il n'a pas pu le faire. L'imadal yannaw il s'est fait tuer. Il est considéré comme avoir tué. Il est en enfer avec son meurtrier. القاتل والمقتول في النار. فقوله يتاب تاركه امتثالا c'est important. امتثالا اي il le délaisse لله. اما celui qui délaisse مثلا il veut voler une chose et il fait tout, il se déplace, il arrive à l'endroit, il essaye d'ouvrir مثلا un appartement pour le cambrioler, au dernier moment il y a une alarme ou quelqu'un le voit, il se sauve. فهذا عيادا بالله يستحق العقاب. لماذا لانه s'il aurait pu il aurait fait le haram. Donc il y a une différence entre les deux cas. ولله الحمد هذا on l'a vu ensemble في رياض الصالحين. قال ويسمى محظورا او ممنوعا. يسمى محظورا او ممنوعا. Tu as plusieurs mots. الحرام qui est connu, tu as le محظور et tu as le ممنوع. ابن القيم رحمه الله كذلك افاد هنا ان يستفاد التحريم من النهي. Comment savoir que cette chose elle est haram dans les textes? Quand tu as un nahi, ne fais pas telle chose. Ne fais pas zina, ne tue pas. Il a akhiré beaucoup d'adila via dal bab. At-tasrih bi tahrim. Wa al-hadr wa al-wa'id kadhalik. Anna celui qui fait telle chose, fa il sera finnar. Wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan ila akhiré fa jaza'uhu jahannam. Ça montre que le meurtre c'est interdit. Quand tu as un wa'id, quand tu as une sentence, c'est que c'est haram. Limada, une sentence, un châtiment plutôt. C'est haram. Amma si tu délaisses un mustahab, il n'y a pas de châtiment. Kadhalik. Al-hudud, celui qui fait telle chose, il doit se faire fouetter. Celui qui vole, il se fait couper la main. Ça montre que c'est haram. Mais celui qui délaisse un mustahab, il n'y a pas de sentence. Donc tout ça, ça montre que cette chose, c'est haram. Et hada, inshallah, on le détaillera dans ce livre. Qalilan, qalilan. قال إن شاء الله والمكروه لغة المبغض واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها. Ce qui est طيب شيخ ابن عثيمين c'est qu'il cite le تعريف et en même temps il te cite un مثال. هذا c'est جميل. Donc ما نهى عنه الشارع c'est comme le haram. لا على وجه الإلزام ça fait sortir الحرام بالترك كالأخذ بالشمال أو الإعطاء بها. قال فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام المحرم. Vous avez remarqué que chaque تعريف il fait sortir les quatre autres pour te montrer أن cette définition elle est bien précise pour ce point. هنا المكروه المكروه il traduit par détestable. قال وخرج بقولنا على وجه اللازم الإلزام بالترك المحرم. نعم أما المحرم فسي tu le fais عيادا بالله تستحق العقاب أي tu n'as pas le droit de le faire. أما المكروه فسي على سبع على وجه الإلزام أي vaut mieux le délaisser. فلهذا قال والمكروه يثاب تاركه امتثالا. Le même tafsil qu'on a fait pour le haram, s'il le délaisse لله il est récompensé. أما s'il voulait le faire et il n'a pas pu il n'est pas récompensé. قال ولا يعاقب فاعله. هذا على كل حال. لماذا؟ لأن أصلا c'est pas une interdiction. S'il le fait pas, il a pas de péché. أما الأجر c'est par rapport à النية. S'il voulait vraiment le faire أو s'il l'a fait لله s'il l'a délaissé لله عز وجل فهذا لا شك il est récompensé. C'est le même tafsil que pour le haram. فائدة هنا عظيمة وكم حصل فيها من اشتباه على كثير من الناس. قال ابن القيم رحمه الله وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم أطلقوا لفظ الكراهة. كثير من الأئمة المتقدمين كم الإمام الشافعي رحمة الله عليه أطلق pour dire الحرام يديز مكروه يديز بحرام لكن quand il dit مكروه في الحقيقة c'est حرام pour lui. الإمام ابن القيم رحمه الله vu que بعض الناس ils n'ont pas compris هذا que les anciens imams comme l'imam Shafi'i au lieu de dire haram, il disait makruh. Il ne disait pas haram. Kathiran. Des fois, il disait haram. Lakin, ahyanan, il disait makruh. Et pourquoi c'était le haram? Faqal, Cheikh ibn Uthaymeen, atlaqu lafd al-karaha, fanafa al-muta'akhirun al-tahrim ala al-shari'a wa ala al-a'imma, intaha min i'lam al-muwaqi'in. Vu qu'ils ont compris hum al-makruh, comme al-muta'akhirin, comme les savants contemporains ou ceux qui sont venus après les salafs, ils ont compris que l'imam Shafi'i telle chose c'est makruh, pour eux ils ont dit en fait c'est pas haram, alors que l'imam lui-même il voulait que c'était haram, mais ils employaient un autre mot et ça fait une fitna azima. C'est pour ça que les salafs كثيرا tu trouves dans leur fatwa ou بعض الآثار ils disent que cette chose elle est makruha et في الحقيقة elle est muharrama. Et ça c'est un point important inshallah que tu étudieras au fur et à mesure de ton étude fil fiqh. Et les ulama ils montrent fil fiqh hada. Quand ils disent matalan c'est makruh, ils disent al-murad c'est al-tahrim et ils citent pourquoi. Imma avec des preuves, imma avec des paroles d'autres savants ou du savant lui-même. Hada c'est un tanbih muhim. Anna ba'd al-ulama yutliquna al-karaha 'ala al-tahrim. On parle savant al-mutaqaddim, il y a de nos jours ils font la différence makruh muharram. Amma il y a des savants anciens min as-salaf il disait makruh détestable et en réalité il voulait l'interdiction. Hada c'est muhim. Dernier point et on finit avec hada al-mubah. Qala lughatan al-mu'lan wal-ma'zun fihi wa istilahan ma yata'allaq ma la yata'allaq bihi amr wa la nahy li dhatihi kal-akl fi ramadan laylan. Na'am. Al-mubah c'est la permission. Ay tu n'as pas d'ordre, tu n'as pas d'amr. Et que d'ailleurs tu n'as pas de nahi, et il ne faut pas faire. Et on le fait sortir de quoi? De quel ism? Un ism qui rassemble le fait de faire, ne pas faire. Ism al-ibada, fal-mubah, ça sort d'un ism. Al-mubah, ça sort de ism al-ibada. Al-amr, c'est une ibada. Le fait de délaisser, si tu délaisses l'Allah, c'est une ibada. Al-mubah, ça sort. Fal-yada, qal, ma la yata'alaq bi amr ou la nahi. Et c'est pas une ibada. L'idhati. Ça c'est important les dates. قال كل اكل في رمضان ليلا. Celui qui mange la nuit Ramadan, c'est mubah. C'est mubah. قال فخرج بقولنا ما لا يتعلق به امر الواجب والمندوب وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به امر لكونه وسيله لمأمور به او نهي لكونه وسيله لمنهي عنه. Ça c'est une règle importante في القواعد الفقهيه. On détaillera pas هنا. قوله لذاته أي la chose en elle-même, c'est pas une ibad. Donc, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de châtiment. Le fait de manger, de marcher, de boire, de dormir, il a arrêté. Ça peut devenir une ibadah ma'a l'ihtisab. Celui qui marche quand il va au masjid, on avait vu le hadith, amma huna, le fait de marcher au masjid, c'est directement lié à la ibadah, lakin celui qui dort, celui qui mange, et sa niya, c'est un yataqawwa pour l'ibadah, pour l'ijtihad fil ilm, ila akhiri, hada, cette chose mubah, ça devient une ibadah pour lui, et il est récompensé. Et ça c'est une faïda azima pour nous. Anna al-mubahad, ça peut devenir des ibadat, lakin, il faut sortir d'une chose et il faut rentrer dans une autre. Il faut sortir de l'ghafla et il faut rentrer fait l'ihtisab. Amma al-ghafil la. Al-ghafil il mange comme les autres ils mangent. Al-kafir il mange, le musulman il mange. Amma celui qui par ghafil il rentre fi hadha al-bab al-azim al-ihtisab et il mange limadha li'annahu c'est une ni'ma min ni'amillah et il pense que d'aller que je mange pour pouvoir faire des ibadat, je dors pour me reposer lillahi azza wa jall pour le lendemain faire des efforts. Il dort et il est récompensé. فلهذا بعض السلف من الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم كانوا يقولون احتسب نومتي احتسب نومتي لا نوريتور اي ان نوم كانوا يحتسبون il fait une sieste يحتسب c'est لله pour me reposer لان après je dois faire telle chose il dort pendant 1 heure 2 heures ou la nuit pendant 5 6 7 heures il est récompensé هذا اولا donc le mubah ça peut devenir une ibada avec une niya. Innama al-amalu bin niya. Thaniyan, Cheikh Al-Uthaymeen il a cité هنا, qala ma law ta'allaqa bihi amrun li kawnihi wassila li ma'mur bihi aw nahi li kawnihi wassilatan li manhi an. Ce mubah, si ça devient une wassila pour une obligation, fa ma la yatim al-wajib illa bihi fa huwa wajib. Ce mubah ça devient wajib. Fa si ce mubah il est lié directement à l'ibadah et tu peux pas faire l'ibadah sans cette chose permise, elle suit le hukm de l'ibadah. Mathalan, on dit à Wahid, Salat al-Dhuhr, il va bientôt faire l'adhan al-Mu'addin, Salat al-Dhuhr, c'est une obligation. Tamam. Il nous dit, Tayyib. Thumma, il nous dit, Lakin, Anna, j'accepte votre qawl, c'est une obligation, Lakin, je ne me déplace pas. On lui dit, via al-Hal, vu que ce salat elle est obligatoire et vu que le déplacement tu peux ne faire cette salat au masjid qu'en te déplaçant, le déplacement il est wajib, alors que le déplacement, le fait de marcher c'est mubah, lakin ça devient wajib tu ne peux pas faire cette ibadah illa bi al-masjid. Deuxième exemple, wahid il veut faire l'oudou, c'est l'exemple que Cheikh Al-Uthaymeen l'a cité avant le fichar. Wahid il veut faire l'oudou, c'est obligatoire, c'est bientôt salat al-duhur. Il est dans un endroit, il veut faire l'eau, il ne trouve pas d'eau. Lakin, il y a un magasin à côté, ils vendent des bouteilles d'eau. Et alhamdoulilah, il a de l'argent. Et l'eau, ta'alamoun, c'est pas cher. Fi hadha al-hal, le fait d'acheter de l'eau, c'est wajib. Pour qu'il fasse l'eau. Limadha li'anna, faire l'eau avec l'eau, c'est une obligation, sauf si tu ne trouves pas d'eau. Lui, il a trouvé d'eau. Enfin, pour faire cette obligation, l'achat, il devient obligatoire. Alors qu'acheter de l'eau, c'est mauvais. Acheter de l'eau, c'est quelque chose de permis. Ça ne fait pas partie de notre dîn, ce n'est pas une ibad. Fi halihi, c'est obligatoire. Qala, ou nahi li kouni wassilatan li manhi an. Ou le mubah, ça peut devenir manhi. Imma makrouh, imma interdit. Mathalan, Cheikh Al-Uthaymeen, avant, il a cité cet exemple. Anna, vendre du raisin, c'est halal, c'est mubah. Ce n'est pas une ibada, c'est du commerce qui est permis. Ça rentre fi qism al-mubah. Tu n'es pas récompensé, tu n'es pas châtié. Bien sûr, par rapport à l'intention, c'est autre chose. Fi hadha al-hal, vendre du raisin. Si tu sais que celui qui va acheter du raisin, c'est pour faire du khamr, du vin, muharram, la yajouz, c'est haram de lui vendre. Mafhoum. Mathalan, un couteau, c'est mubah d'acheter et vendre. Si tu sais que wahid il est énervé, il veut t'acheter un couteau et tu sais qu'il veut faire du mal à un autre, c'est haram de lui vendre. Le mubah, il devient haram. Limadha li'anna al-wasa'il laha ahkam al-maqasid. Et ça, c'est une règle fil fiqh qu'on verra ensemble, inshallah, dans le qawaid al-fiqhiyya. Enfin, tu as cette règle et tu fais rentrer des dizaines, des centaines de masa'il. قال ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به. هنا ستان اكزامبل. أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل. À la base c'est permis, c'est من المباح, لكن il y a une chose qui l'a rendu, il m'a recommandé, il m'a obligatoire, il m'a makro, il m'a interdit. Et le mubah, il peut basculer dans les quatre ahkam si ça devient une wasila. La wasila, c'est tu veux faire une chose et tu n'as pas le choix de la faire que par un intermédiaire. Maintenant, tu veux faire l'eau d'eau, tu ne trouves pas d'eau, tu peux faire l'eau d'eau qu'en achetant une bouteille d'eau. Cet achat, si c'est pour faire un eau d'eau mustahab, une salat mustahabba, acheter l'eau, c'est mustahab. Si c'est pour une obligation, acheter l'eau, c'est obligatoire. Wa hakadha les interdits. قال هو المباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. تأمل قوله ما دام على وصف الإباحة. أما si ça devient une cause pour un haram comme vendre du raisin pour faire du vin, ça devient haram. Si c'est une cause pour une obligation, ça devient obligatoire. Et alhamdulillah, celui qui achète de l'eau pour l'eau, il est récompensé. Bien sûr, امتثالا لله عز وجل. قال ويسمى حلالا وجائزا. Il l'appelle halal et il l'appelle jaiz. C'est permis, c'est halal, معروف. فهذا الدرس المهم. Et alhamdulillah, vu que c'est un درس par semaine, فلا بأس qu'on fait un peu plus long que d'habitude, ولله الحمد, et نستفيد. Avec ce premier درس, inshallah, vous avez vu l'importance de هذا العلم. Ça va ouvrir beaucoup de portes à celui qui le comprend, qui le met en application, beaucoup de portes fil fiqh. Quand tu vas étudier usul al fiqh bi idnillah azza wa jalla, khassatan avec les qawaid fiqhiya, tu verras que tu n'auras plus la même conception, le même aperçu quand tu étudieras al fiqh. Ça sera totalement différent. Limada li anna tu liras ou tu étudieras al fiqh avec du ilm, avec des outils. Contrairement au muqallid. Il y a une fatwa de Sheikh Antel qui dit c'est mubah, un autre dit là c'est une sunnah, un autre dit c'est haram, il sait pas trop pourquoi, c'est un muqallid. Si le cheikh change d'avis, il change d'avis. Avec ces outils là, avec ces outils, mais idnillah azza wa jalla, tu pourras comprendre al-masa'il. Et avec le temps et avec l'ilm et avec les années, l'insan il pourra rajah, il pourra savoir pourquoi ce qawl c'est le plus juste et l'autre qawl il est marjouh, al-rajah ou al-marjouh, pourquoi ce qawl il est sahih et ce qawl il est batil, wa hakadha walillahi alhamd. Fa raji'u. Radio, ces masailles, elles sont très très importantes. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.